tel qu'en lui-même. François Morel, c'est à vous. Je veux chanter ici et sur ma France Inter la beauté d'un pays, la chance bocagère, d'un produit digne enfant de France et Normandie, du pays d'Auge, enfin, pour être plus précis. Dans l'Orne, exactement un jour, Marie Harel fit cette découverte étonnante, irréelle, d'un fromage vivant qui chante et qui respire, comme un baiser volé, comme un éclat de rire. Au milieu des pommiers, des vaches, des prés verts, un jour heureux naquit le fameux camembert. Ce matin, je serai le chantre du terroir, des richesses perdues au fond des territoires. Que je devienne ainsi, et tant pis s'il le faut, un avatar bobo de Jean-Pierre Pernaud. Je veux chanter ici avec des trémolos l'héritage inouï des savoirs ancestraux. Dire les qualités, les arômes complexes qui rendent enthousiaste et quelquefois perplexe, car il est surprenant et garde ses mystères. C'est pour cela qu'on l'aime aussi, le camembert. Mais le camembert de Normandie AOP, on l'est cru aujourd'hui, sais-tu, est menacé. On veut l'assassiner, on veut le sacrifier sur l'autel imbécile de la modernité. Dans un monde uniforme, hélas, on aseptise. Tout doit se ressembler, il faut qu'on pasteurise. Quand le lait trop chauffé banalise le goût, ça n'a pas d'importance, il faut gagner des sous. Sais-tu qu'à l'INAO, de prétendus experts n'ont pas craint de chercher à tuer le camembert? Ah, les cons, les ringards, les soudoués, les bolosses qui n'ont pas défendu ce bon vieux Calandos. Faut-il qu'ils soient crétins, qu'ils en aient une couche pour ne pas concevoir que, moulé à la louche, ce fromage n'est pas de quelconque fabrique, mais qu'il est singulier, qu'il est emblématique. N'importe quel frometon sans bouquet, sans saveur, vulgaire, pâte molle à la triste fadeur, n'importe quel fromgie, quel puant ordinaire, ne peut pas mériter le nom de camembert. Mai 68 peut-être attendait une suite. Eh bien, décidons-la en mai 2018. Lançons tous les pavés que nous pourrons trouver, de chèvres et d'affinois, du Nord et de Roubaix. Contre les tristes trusts agroalimentaires, il faut se révolter, ne pas se laisser faire. Il faut que raisonnée soit notre agriculture, enfin débarrassée de trop de forfaitures. Dressons des barricades, crions notre colère et ensemble sauvons le soldat camembert. Exceptionnel François Morel. Et merci à Antoine Salaire qui a adapté au piano. J'irai revoir ma Normandie. Merci, merci François et bonjour Augustin Trapenard.